l'escalier, parce que j'ai vraiment la flemme de me déplacer. Je me demande on va voir quoi. L'histoire d'amour est finie, la suite sera bientôt.